L'actualité à Nancy et ailleurs. Si vous êtes sportif et même très sportif, amateur de course à pied ou de marche, l'interview du jour devrait particulièrement vous intéresser, puisqu'aujourd'hui je suis avec Jeanne Frey. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante en STAPS à Nancy et vous participez à l'organisation de la 4e édition de l'Ultra Trail Tour de Nancy. Notre sujet du jour, pour commencer, pouvez-vous présenter à nos auditeurs en quoi consiste l'événement ? Alors déjà, bonjour à tous. Alors c'est un ultra trail qu'on a organisé autour de la métropole de Nancy. Alors c'est une course un petit peu atypique parce qu'on va passer par des sites un petit peu particuliers, parfois protégés, comme la mine de fer, la batterie de l'éperon ou encore les falaises de Marron. Et c'est une course aussi qu'on accueille pour tous. Il y a l'ultra trail donc de 110 km avec 3700 de dénivelé positif. Mais il y a aussi une marche nordique, une course pour les enfants et des courses qui vont de tout niveau, de 9 km à 34 km. Et donc c'est quoi le détail de ces courses ? Parce qu'évidemment il y a la course la plus difficile cette année qui est la Roistan qui fait 110 km. Donc forcément, comme vous l'avez dit, il y en a un peu pour tout le monde puisque tout le monde n'a pas spécialement l'envie ou même la condition physique pour réaliser cette course. Donc c'est quoi toutes les formules de course qui existent ? Alors, il y a aussi la course Mirabelle, donc celle qui a 990 dénivelés positifs avec 34 km de course. La Marron avec 17 km et 470 de dénivelés positifs. Et la Bergamote qui est un peu plus simple, il n'y a pas forcément de dénivelés positifs, mais elle est de 9 km. Donc évidemment, il y a aussi la marche nordique de 12 km et les courses enfants. Et il reste encore quelques places pour certaines courses. Comment ça se passe pour l'inscription ? Où doit-on aller ? C'est quoi le prix d'un dossard ? Et puis, il reste les places pour quelle course encore ? Alors, le prix d'un dossard varie en fonction des kilomètres parcourus. Donc, il faudra aller voir sur le site de l'UTTN, donc uttn.fr. Il reste des dossards pour la Bergamote, la Marron, où il reste 170 places, la Mirabelle, 50 places, et la Marche Nordique, 50 places également. Et il y aura, je suppose, de quoi se ravitailler ? Il y aura des stands d'animation particulières ? Bien sûr, on a plusieurs partenaires qui nous accompagnent sur cet événement, donc il y aura de quoi se restaurer, et puis il y a aussi tous nos bénévoles qui sont là pour nous aider le jour J, qui sont vraiment indispensables pour cet événement et pour lesquels aussi vous pouvez postuler. Et d'ailleurs, comment on fait pour devenir bénévole, si un auditeur souhaite devenir bénévole ? Alors c'est super simple, c'est pareil, c'est le même site, c'est uttn.fr, il y a une petite case bénévole, et puis vous pouvez choisir votre horaire, votre poste et le jour, parce que c'est le week-end du 31 mai et du 1er juin. Merci Jeanne Frey d'avoir été avec nous. L'Ultra Trail Tour de Nancy aura donc lieu le week-end du 31 mai au 1er juin. Et si vous souhaitez vous inscrire à une course ou devenir bénévole, rendez-vous sur uttn.fr. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.